Chapitre 19e. Le dernier acte. Décembre était arrivé. Il n'y avait déjà plus de feuilles aux arbres. On ne songeait plus à faire partir Adrienne pour l'Italie. La fiancée de la mort ne pouvait presque plus sortir de son hôtel. Le mal était à la dernière période. Gaston, près d'elle, nuit et jour, en suivait toutes les phases avec un déchirement de cœur inouï. Elle, si gaie autrefois, si enthousiaste en pensant à son bonheur futur, finissait par s'assombrir. Au reste, sa tristesse était douce et se voilait souvent de sourires pour ne pas affecter le bien-aimé. Seulement, lorsqu'elle se trouvait seule, elle se reprenait à pleurer en pensant à leur prochaine et éternelle séparation. « J'étais pourtant bien jeune, se disait-elle, et il m'aimait. Mais Dieu ne l'a pas voulu. » Un jour, elle fit appeler le docteur. Il faisait un temps doux éclairé de soleil comme après une gelée. On rencontre quelquefois en hiver. Gaston était là. « Je voudrais bien sortir, » dit-elle, en plongeant ses yeux dans ceux du jeune homme avec une expression d'ineffable tendresse. « Combien de temps faut-il en voiture pour se rendre à l'Arc de Triomphe ?»« Je vais faire atteler, » répliqua le médecin qui voyait le désir d'Adrienne. Joyeuse comme un enfant, la pauvre malade se leva de sa chaise longue, se jeta au cou de Gaston, puis frappa dans ses mains comme si elle eût gagné un important pari. Quand la voiture fut prête, aidée par le docteur, elle s'y laissa pour ainsi dire tomber à côté de lui. Le médecin prit place sur le devant, les chevaux partirent. « De quel côté allons-nous ? » demanda Gaston. « C'est vrai, » répondit Adrienne, « nous avons oublié de le dire au cocher. »« Je crois qu'il s'en doute, » interrompit le docteur, « car il prend la route de l'hôtel de M. d'Erfurt. »« Merci, » lui dit la jeune veuve en prenant sa main, « vous m'avez comprise. » Puis elle ajouta avec cette mutinerie charmante qui ne l'abandonna jamais entièrement. « Si nous étions arrivés, je vous embrasserais. » Puis elle ajouta, profondément émue, « Cependant, il faut que j'en sois avare de ces baisers. Que dirait-il ? Je n'en ai plus beaucoup à lui donner, n'est-ce pas ?»« Allons, » répliqua le médecin, d'un ton bourru pour cacher son émotion. « Si vous êtes maussade, je vous fais virer de bord, comme on dit en termes de marin. » « Ce n'est rien, mon ami. Ma bonne humeur a fait comme le soleil, il s'est caché, voyez-vous, mais il va reparaître. » Adrienne voulut descendre avant d'arriver à l'hôtel. « Je veux marcher un peu, » dit-elle, « afin de revoir encore le soleil. Quand je repartirai, ce sera en voiture. » Cette fois, Gaston avait compris. Il prit les devants comme pour donner quelques ordres. Lorsqu'il revint, il trouva au jardin sa belle fiancée qui cueillait les quelques rares fleurs que l'hiver laisse à la neige. « Rentrons, » dit le médecin. Adrienne s'installa dans un des appartements de ce délicieux petit hôtel, véritable nid d'amour qu'elle avait tapissé pour venir s'y cacher avec celui qu'elle aimait. Elle ne devait plus en sortir. Cependant, plus l'heure approchait, plus était calme et résignée. Elle souriait quelquefois en regardant ses mains qui avaient la transparence de la cire et que le mal paraissait avoir aminci. Quelquefois, elle portait ses mains à ses joues pour sentir si les contours étaient aussi moelleux qu'autrefois. Le souvenir de ce qu'elle avait été semblait l'inquiéter. Un jour, elle demanda un miroir à Gaston. Elle était sur une chaise longue vis-à-vis un bon feu. Un rayon de soleil illumina le miroir dans lequel elle regardait. Elle examina les belles torsades de son opulente chevelure. « Ils sont aussi beaux qu'autrefois, n'est-ce pas ?» L'amant déroula ce manteau vraiment royal, et s'étant assis aux pieds de celle qui le portait, il enveloppa sa tête dedans et la laissa reposer un instant sur ses genoux. En même temps que la jeune femme recevait sur ses mains amaigries une larme brûlante, Gaston sentit sur sa tête une autre larme. Quand il se releva, la chevelure qui le couvrait était humide. Les deux amants s'étreignirent comme au beau jour de leur amour. Un léger incarnat ranima les joues pâles d'Adrienne. Ses yeux bleus, comme le ciel d'Orient, redevinrent pleins de promesses. « Mon Gaston, comme je t'aime. Je n'ai compris que je vivais que du jour où je t'ai vu. Merci pour les heures de délice que tu m'as données. Pauvre cher, si au moins j'eusse pu voir les premiers jours de printemps. Tais-toi, te dis-je. » Interrompit avec angoisse le poète. « Ne parle plus de la sorte. L'avenir n'est-il pas à nous ? » ?»« L'avenir est au temps, mais pardon, je déchire ton pauvre cœur sans le vouloir. Oui, tu as raison, je vivrai. Je n'ai pas besoin du printemps, je n'ai pas besoin du soleil, je n'ai besoin que de toi. Tu ne m'abandonneras pas. » Réunissant les quelques forces qui lui restaient, elle serra Gaston contre elle d'un bras plus fort que ne le comportait sa ténuité. Puis, de l'autre, elle semblait vouloir écarter les images funèbres qui voltigeaient devant elle. Elle se cramponnait, pour ainsi dire, à la vie. Son geste et son attitude semblaient dire « Je ne veux pas mourir ». Une fois cette surexcitation nerveuse passée, elle retomba plus faible qu'auparavant. Jenny et Gaston la mirent au lit. Le jeune homme, en la soulevant, pensa tenir un enfant. Ce n'était plus le corps souple aux rondeurs charmantes d'autrefois. C'était une âme cancérée, un corps anguleux, sans pesanteur aucune. Entourée de ses deux amis, elle s'endormit. Le lendemain, Gaston demanda au médecin s'il atteindrait les premières feuilles. L'amant qui faisait cette question et qui avait dit la veille « L'avenir est à nous » n'osait pas l'espérer. « Elle n'atteindra pas la première neige, » pensa l'homme de science. « Mais, » continua-t-il, « soyez fort, sinon pour vous, du moins pour elle. » Les derniers jours de la maladie, Adrienne fit éloigner Gaston. Simulant des fantaisies de malade, elle l'envoyait chercher maintes choses. Pendant ses absences, elle manda plusieurs personnes avec qui elle eut plusieurs entretiens. Le docteur se trouva mêlé aux gens d'affaires. Gaston se prêtait à tout. Bien qu'avare de toutes ses minutes, il n'osait rien refuser. D'ailleurs, le médecin lui avait dit « Quand vous êtes loin d'elle, elle est plus tranquille. Les émotions accélèrent le moment. » Pourtant, l'heure arrivait. Le dimanche, à 3 heures du soir, la malade, environnée du médecin, de Gaston et de la petite Jenny, dont elle ne voulait plus se séparer, dit au béni de son cœur « Cher, il est temps d'échanger les anneaux de fiançailles. » Le jeune homme, en voyant ce calme apparent, fut plus atterré que si la mort fût arrivée tout d'un coup. Il pâlit, souleva Adrienne sur son lit. « Lorsque tu seras guéri, » murmura-t-il, « demain, je le serai. » Et elle mit la main sur sa poitrine. « Rendez-vous au désir de notre ami, » interrompit le docteur. « Elle tient à ce que ce soit ce soir. Nous sommes convenus de cela ensemble. » La duchesse inclina sa tête sur l'oreiller et remercia du regard l'ami fort. Pour elle, elle n'y tenait plus. Elle sentait déjà les affreux de la mort. On sortit un instant de l'appartement. L'homme qui rentra fut le prêtre. Adrienne avait recouvré toute sa placidité d'esprit. Il semblerait que pour les êtres qui ont fortement craint la mort, le dernier moment aplanisse toutes les entraves et leur donne une résignation que n'ont pas les autres. La jeune femme envisagea le dernier passage avec inquiétude et embrassa avec bonheur toutes les consolations qu'on lui prodiguait pour ce grand déchirement. D'Erfurt, resté dehors, voulut rentrer. « Je ne puis plus attendre, » dit-il au docteur. « Entrons. » Au moment même, on entendit Adrienne qui appelait Gaston. « Gaston, approche, » fit-elle. Lorsqu'il fut auprès du lit, elle lui prit la main et la plaça dans la sienne. Le prêtre présenta deux anneaux qu'ils échangèrent, puis il les bénit. « Voici mon mari, » dit-elle ensuite, et elle embrassa le poète, qui cacha la tête dans ses mains pour dissimuler ses pleurs. « Vas-tu me rendre la mort plus difficile ?» dit-elle en essuyant son visage inondé. « Toi, mourir ?» s'écria Gaston, devenu son mari. « Mais je ne le veux pas, je t'en empêcherai. » « Je te protégerai, je te cacherai. » La neige commençait à voltiger contre les vitres de l'hôtel. « Soyons calmes, » dit l'homme de Dieu à Gaston. « Ne lui faisons pas regretter la terre. » « Leur approche, » ajouta à voix basse le médecin. Ils voulurent passer la nuit auprès d'elle. Vers minuit, elle se réveilla, elle les regarda tous. Le docteur sortit avec Jenny. « Merci, mes bons amis, » leur dit-elle, avec un sourire qui tenait plus de l'ange que de la femme. Demeurée seule avec Gaston, elle fit mettre ses oreillers derrière elle afin de pouvoir rester assise dans son lit. Puis, le regardant, elle lui dit « Mon Gaston bien-aimé, laisse-moi te contempler encore une fois. J'ai besoin de te voir, de te dire je t'aime. Je le puis maintenant que Dieu nous a unis. Si tu savais quelle joie a inondé mon cœur quand tout à l'heure j'ai tenu ta main sous la bénédiction. Je me sentais renaître en même temps que je voyais mon amour sanctifié. Je n'ai pas cru retarder le moment. Hélas, il arrive. Dieu a voulu qu'il en fût ainsi. Mais j'ai senti que je pouvais recevoir de la sorte le dernier adieu de celui qui a été mis sur ma route pour m'empêcher de faillir et me faire connaître l'amour. Ce serait te faire injure de te dire de ne m'oublier jamais. Les cœurs comme toi n'oublient pas le moment que nous venons de passer. C'est peut-être le plus triste de notre existence, mais c'est le plus beau pour mon cœur. » Adrienne laissa retomber sa tête sur le côté de l'oreiller. Elle était à bout de force, la respiration devenait difficile. À quelques secondes de là, elle reprit. « Ta vie est encore longue. Tu conserveras toujours mon souvenir dans ton cœur, je le sais, Dieu me le dit, mais je ne veux ni ne désire que ta vie soit solitaire et triste. J'aurai un remords là-bas si Adrienne t'empêchait d'être heureux les quelques années qui te restent. Un jour, peut-être, tu trouveras une autre femme aimante. S'il en est ainsi, chère âme, prends-la. Je me réjouirai dans ma tombe. Je ne te demande qu'une grâce. C'est de donner mon nom à la première créature que ton second amour te donnera. » En embrassant la petite Adrienne, tu penseras à celle qui a si peu vécu, mais qui t'a tant aimé et qui meurt pour toi. » Adrienne n'avait pu retenir les sanglots de son cœur. « Fais entrer nos amis, » soupira-t-elle. Le médecin et Jenny s'approchèrent. « Adieu, » fit-elle. Elle ferma les yeux, et son bras hors du lit sembla chercher quelque chose. Ce qu'il cherchait, c'était Gaston. Le jeune homme le saisit et approcha ses lèvres de la bouche de la mourante. Adrienne ouvrit ses yeux, qui nageaient déjà dans le vague, et sa bouche laissa échapper un suprême et dernier mot. « Merci. » Le médecin éloigna le poète. Adrienne attendait son amant dans un monde meilleur.